Le comité aux États-Unis de la direction d'outre-mer pour l'application de la déclaration commune du 15 juin et la direction des Coréens aux États-Unis de l'Alliance pour nationale pour la réunification de la patrie ont publié les 5 et 2 courants les déclarations en faveur de la lettre ouverte du Nord au sujet de l'ouverture du grand rendez-vous pour national de réunification pour la paix et la réunification indépendante de la péninsule coréenne.